Bonjour, Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de se retrouver pour un nouvel épisode de Futur Simple. Au menu, une émission sur le thème de la biodiversité. On va faire un retour sur la COP15 qui s'est tenue à Montréal juste avant Noël, mais les fêtes ont un peu tué les résultats. On ne s'est peut-être pas vraiment fait attention à ce qu'il en était sorti. Mon invité, Andreas Louis, qui était sur place, nous en fera un résumé à 18h30. Et au menu également, eh bien, des moules. Et ça, c'est pour tout de suite, sauf que ce n'est pas pour les manger. Donc les moules dont on va parler, on s'en sert comme indicateur de la biodiversité qui entoure les moules. C'est le projet de recherche de Sophia Ferchiou. Elle est étudiante à l'Institut national de la recherche scientifique et associée à l'Institut nordique, à l'Institut nordique du Québec. Bonjour Sophia. Bonjour Valérie. Alors voilà, Sophia, peux-tu te présenter en quelques mots? Tu es étudiante au doctorat en fait? Oui, effectivement. En fait, moi, je suis une passionnée de la biologie marine et c'est pour ça que j'ai fait une maîtrise en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Après cette maîtrise, j'ai travaillé quelques mois en 2019 au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent à Tadoussac avant d'entreprendre et d'entamer des études doctorales à l'Institut national de la recherche scientifique, donc l'INRS, sous la supervision du professeur Yves Saint-Pierre et en co-direction avec le professeur Stéphane Betoul à l'Université de Reims en France. Mm-hmm. Et donc, mon projet de doctorat en ce moment s'articule autour de l'évaluation des écosystèmes marins en utilisant la moule comme espèce sentinelle. C'est un peu curieux, hein? Donc, tu étudies la biodiversité des milieux marins en Arctique, dans le Saint-Laurent. Et donc, c'est avec les moules que tu étudies cette biodiversité. Mais moi, ça me fait drôle parce que quand je pense aux moules, je les imagine accrochées sur leurs rochers et au fond de l'eau. Et j'ai un peu de mal à comprendre comment elles peuvent servir d'espèce sentinelle. D'abord, c'est quoi une espèce sentinelle? Et comment elles peuvent permettre d'identifier la biodiversité? Donc, c'est ça, les moules, c'est des organismes extraordinaires et qui sont souvent utilisés comme espèces sentinelles pour plusieurs raisons. Donc, espèce sentinelle, en fait, ça veut dire quoi? Donc, une espèce sentinelle, c'est une espèce qu'on utilise pour évaluer un milieu. Donc, chez la moule, cela peut s'expliquer par le fait qu'elles ont, entre autres, un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est la filtration de l'eau de mer ou de l'eau douce. Donc, au fond, une moule peut filtrer jusqu'à 15 gallons d'eau par jour, soit l'équivalent de 68 litres d'eau par jour pour une petite moule. C'est pas mal. Oui, et grâce à cette grande capacité de filtration, elles peuvent donc filtrer et accumuler des bactéries, des virus, des parasites ou encore du matériel génétique comme de l'ADN de tous les organismes qui les entourent. Puis une autre particularité des moules, c'est que ce filtre naturel se retrouve un peu partout à travers la planète, en Amérique, en Asie, Afrique, enfin bref, tous les continents. Et en plus, elle se retrouve en eau douce comme en eau salée. Mm-hmm. Donc là, ces moules-là, elles filtrent énormément d'eau. Je n'aurais jamais pensé qu'une petite coquille comme ça pouvait filtrer autant d'eau. Et en même temps, s'accumulent en elles donc des molécules, de l'ADN. Comment ça se fait qu'il y ait de l'ADN qui se promène dans l'eau? Là, je ne comprends pas. Est-ce que c'est l'ADN de ce qui leur sert, de ce qu'elles mangent, de ce qui leur sert comme alimentation, ou c'est de l'ADN qui se promène dans l'eau puis qui leur arrive? En fait, l'ADN environnemental a plusieurs sources. Et la principale source de l'ADN dans l'eau provient de rejets naturels, comme on peut penser les eaux usées. Donc, on trouve dans des eaux usées des bactéries, des virus, des parasites. Et une autre source principale de l'ADN environnemental provient de la décomposition des organismes suite à leur mort. Donc, par exemple, pensez à une baleine qui s'est échouée. Elle va relâcher énormément de cellules dans l'eau. Une autre source principale de l'ADN environnemental peut provenir, par exemple, de la propagation des cellules, des œufs, des larves, de poissons, par exemple. Enfin, bref, tout ce matériel génétique qui est relâché dans l'eau va pouvoir être filtré et éventuellement être accumulé dans les moules. Mmh. Donc, effectivement, c'est pas juste l'ADN de ce qu'elles mangent, mais c'est l'ADN de tout ce qui passe. Parce que je me demandais, est-ce que Est-ce que ça permet de concentrer un petit peu cet ADN? Parce qu'on pourrait tout simplement prélever l'eau de mer ou l'eau d'un lac, on ne serait pas obligé d'utiliser les moules, mais cet ADN ce serait très éparpillé, alors que est-ce que là il est concentré dans les moules? Donc c'est ça, donc grâce à leur pouvoir de filtration, les moules vont ramasser ce matériel génétique. Donc au fond, grâce à leur capacité de filtration, vont ramasser ce matériel génétique. Puis nous, grâce à ce qu'on appelle une biopsie liquide, on va venir chercher cet ADN dans leur sang qu'on appelle de l'hémolymphe. Ah, okay. Donc au fond... Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller leur faire une prise de sang? Oui, exact. Donc, au fond, le conseil de la biopsie liquide, c'est en gros faire une prise de sang aux moules. Donc, les moules vont venir, bioaccumuler l'ADN environnemental. Puis nous, avec une prise de sang, on va venir chercher et analyser cet ADN relâché et accumulé dans l'organisme. Mm-hmm. D'accord. Et donc, après, on a donc tout cet ADN. Comment on sait on fait les biopsies, là, comme les prises de sang, si je peux dire. On extrait l'ADN de ça. Et ensuite, comment on fait pour savoir à quel organisme ça appartient? Donc, oui, au fond, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. Donc, tout d'abord, quand, par exemple, on va venir chercher l'ADN dans nos moules, dans leur sang, au fond, On extrait l'ADN? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, au fond, on va venir extraire l'ADN, puis après, ce qu'on va faire, on va faire un séquençage. Donc, on va venir séquencer les brins d'ADN pour obtenir des millions et des millions de brins d'ADN. Et ça, ça va nous permettre, après, de savoir qu'est-ce qui appartient à la moule et ce qui n'appartient pas à la moule. Ah. Parce que oui, dans la moule, on trouve donc l'ADN de la moule, qui est du soi, et on trouve également de l'ADN étranger qu'on appelle du non-soi. Et cet ADN étranger peut avoir des origines virales, bactériennes, animales, algales. Et le défi colossal pour nous, c'est donc de savoir d'où il provient cet ADN étranger et à quelle espèce il appartient. Ouais. Donc, on utilise un outil qui est la bioinformatique, qui est un outil crucial dans nos analyses. Et le défi colossal ici réside dans le fait qu'il faut après déterminer à quelle espèce il appartient. Puis le problème, c'est que beaucoup d'espèces n'ont jamais été séquencées sur la planète. Donc, au fond, et c'est là d'où l'intérêt de justement, quand on séquence nos brins d'ADN et qu'on obtient ces millions de brins, c'est d'essayer de les analyser et aussi de les garder et les diffuser sur des énormes banques de données publiques qui vont nous servir dans 5, 10, 20 ou 50 ans plus tard de revenir en arrière et de dire « Oh, tel organisme appartient plutôt à une bactérie ou à un virus, etc. Mm-hmm. » Parce que oui, il y a beaucoup aussi de facteurs qui vont influencer l'ADN environnemental. Donc, par exemple, si on pense à une baleine qui s'est échouée sur une plage, elle va relâcher beaucoup plus d'ADN qu'un poisson, par exemple, qui est passé par là. Et également, il y a d'autres facteurs qui vont jouer sur l'ADN environnemental. Donc, on peut passer à des facteurs physico-chimiques, comme le pH ou la température, qui vont jouer sur la dégradation de l'ADN. Aussi, dans nos moules, et j'ai oublié de le spécifier, c'est qu'on va retrouver beaucoup plus d'ADN qui provient de micro-organismes, comme les bactéries et les virus. Parce que dans l'eau de mer, on trouve de 1 million à 1 milliard de bactéries par litre d'eau de mer et 10 fois plus de virus. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour autant, parce que la plupart des virus qu'on trouve dans l'eau de mer, ils infectent les bactéries plutôt que l'humain. Oui, c'est vrai, exactement. Puis de toute façon, toutes ces bactéries ne sont pas forcément méchantes non plus. Mais je comprends qu'il y a un défi d'identifier les espèces à partir de l'ADN, parce qu'on ne connaît pas l'ADN de toutes les espèces qui existent dans le monde. C'est comme s'il fallait avoir, je sais pas, un repère, quelque chose, et on sait pas, si on connaît pas l'ADN de telle bactérie ou de tel poisson, on peut pas dire que l'ADN qu'on trouve dans la moule, c'est l'ADN de tel poisson, si on l'a pas déjà analysé, cet ADN du poisson. Donc c'est le défi. Effectivement, oui. Et au fond, beaucoup de gens nous demandent la question « Ah, mais c'est quoi la différence entre ta méthode avec les moules versus l'ADN environnemental ?» Donc, c'est une méthode qui est complémentaire à l'environnemental. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, c'est vraiment, elle se complémente. Donc, nous, dans notre étude, on utilise ce qu'on appelle la biopsie liquide, donc c'est-à-dire une prise de sang à la moule. La biopsie liquide, c'est une technique, pour ceux qui ne savent pas, qui, au fond, est très utilisée en médecine. Et au fond, elle consiste à détecter, à faire le suivi de certains types de cancers chez des patients. Donc, chez l'humain, par exemple, on va faire une prise de sang. Et dans ce sang, on va retrouver de l'ADN libre circulant. Donc, c'est des tout petits fragments d'ADN qui, au fond, se retrouvent libres dans notre sang, qui proviennent majoritairement de nos cellules saines et ou tumorales. Et en plus, 1% de l'ADN dans notre sang provient de virus ou de bactéries qui vivent dans notre corps. Mm-hmm. Donc, si je reviens à mes moules, nos moules contiennent aussi cet ADN libre circulant. Et au fond, cet ADN libre circulant provient, oui, bien sûr, de l'ADN de moule, mais aussi, étant donné que notre moule est un filtre naturel, on trouve un très grand pourcentage d'ADN étranger dans leur organisme. Mm-hmm. Et c'est cet ADN étranger qui nous intéresse. Maintenant, pour revenir à l'ADN environnemental, la différence, donc, c'est que nous, on utilise la moule comme filtre naturel. On ne passe pas par des grosses pompes et des filtres stériles pour filtrer l'eau, puis ramasser l'ADN dans l'eau. Mm-hmm. On utilise juste la moule. Puis aussi, une autre grosse différence, c'est que on retrouve l'ADN de la moule quand on fait nos biopsies liquides. Puis ça peut nous permettre pour prévenir les changements climatiques. Parce que si nos moules subissent des grosses vagues de chaleur durant l'été, ça va avoir un impact sur leur expression des gènes, puis leur changement épigénétique dans leur ADN. Puis ça, on pourra le voir. Ah oui? Mm-hmm. Et là, c'est sur le génome même de la moule qu'on va le voir. Ce n'est pas sur l'ADN étranger qu'on récupère dans la moule. Exact. C'est sur l'ADN de la moule. Mm. Oui, donc on voit les deux en parallèle. Ah oui, on voit les deux en parallèle. On peut voir la biodiversité et en plus, on peut voir des changements épigénétiques ou dans l'expression des gènes de nos moules. Mm, d'accord, donc c'est quand même assez complet. Donc là, on a fait de la théorie. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu sur le terrain parce que est-ce que ça ressemble un petit peu à la pêche aux moules, ton travail? Finalement, tu vas sur les rivages et tu ramasses les moules. Donc oui, au fond, quand on va sur le terrain, c'est beaucoup de coordination puis c'est beaucoup de travail d'équipe aussi. Donc c'est pour ça que quand je vais sur le terrain avec ma collègue France Casa, on travaille avec beaucoup de collaborateurs. Donc on a été un peu partout, on a été dans l'estuaire du Saint-Laurent, il y a des collaborateurs qui ont été en Arctique, on a également été dans les îles subantarctiques. Mm-hmm. Pour le Saint-Laurent, on travaille étroitement avec le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Donc, au fond, la première chose est de déterminer les sites où il y a des moules. Ça, c'est important. Ensuite, qu'on a déterminé nos sites qu'on veut viser, on attend la marée basse, puis on va aller chercher nos moules, la pêche aux moules, comme on dit. On prélève 40 à 50 moules par site. Puis ensuite, c'est une prise de sang. Avec une seringue et une aiguille, on va prélever quelques millilitres chez la moule, dans un muscle. Comment on passe la seringue à travers les coquilles ou est-ce qu'il faut l'ouvrir? Ah non, on ne la tue pas. On fait juste un petit trou dans la coquille avec un petit couteau pointu, sans trop la perturber, juste assez grand pour passer l'aiguille. Mm-hmm. Et avec un angle, on va y chercher le muscle. Et on prélève de 1 à 5 millilitres d'hémolymphe par moule, en fonction de la grosseur et de l'espèce. Mmh. Et donc, c'est une méthode super facile, c'est non invasive. Et la cerise sur le sundae, c'est qu'on met la moule dans l'eau après pour qu'elle continue à vivre. Et donc, on essaie de perturber le moins possible l'écosystème. D'accord. Donc là, c'est 5 millilitres. En fait, une moule, c'est pas gros. Donc, je me dis 5 millilitres, c'est à peu près le volume qu'il y a dans une moule. Mais non, ça la dérange pas, la moule, si on lui enlève 5 millilitres de lymphe ou de sang. Assez étonnamment, non. Puis ça a été testé par mon équipe de recherche avec différentes espèces de moules. Ils ont prélevé le maximum qu'ils pouvaient. Ouais. Ils ont remis la moule à l'eau, puis ils sont revenus 24 heures à 48 heures plus tard, puis la moule, elle allait super bien, elle redonnait encore plein d'hémolymphes. Donc, c'est vraiment un organisme qui est extraordinaire. D'accord. Donc là, tu es au bord de la mer, à marée basse, tu prélèves, donc tu fais tes biopsies, tu récupères ça tu collectes ça dans des petits tubes, tu mélanges tout dans un seul tube ou tu les gardes séparés? En fait, nous, il y a des gens qui veulent garder ça séparé, donc un tube par moule. Nous, on fait des pools pour éviter ce qu'on appelle un billet inter-individuel. Donc, on poule notre jus tout ensemble. Donc, on reste quand même dans le même site par tube. Puis, on centrifuge. Donc, on spin à grande vitesse. En retournant au labo quand même. Non, tout ça sur le terrain. Ah oui, sur le terrain. Sur le terrain, on amène des petites centrifuges qu'on appelle des petites tortues, des petites turtles, qui permettent de faire tourner nos tubes à très grande vitesse. Et au fond, on a donc à la fin un petit amas de cellules, puis l'espèce de plasma hémolymphatique, donc c'est l'équivalent de notre plasma dans nos veines, qui contient notre ADN libre circulant et donc notre ADN étranger pour étudier la biodiversité. D'accord. Et ça, à un moment donné, j'imagine que le reste, ça se passe au labo. Vous ramenez le surnageant là avec l'ADN circulant et vous allez au labo avec ça. En grande partie, oui. Donc, je dis dans la plupart des cas, parce que je vais revenir plus tard, c'est que une fois qu'on a nos tubes ou qui contiennent notre ADN, on retourne au labo, on fait l'extraction d'ADN, on séquence ça, donc on obtient des millions de brins d'ADN. Et après, c'est ça. Une fois qu'on a obtenu nos brins d'ADN, c'est dire est-ce que c'est de la moule, c'est pas de la moule. Une fois qu'on a nos séquences d'ADN étrangers, donc c'est pas de la moule, le défi c'est de déterminer, ok, ça appartient à quelle espèce. Ouais. Et là, je vais dire dans la plupart des cas, parce qu'en automne 2021, on s'est rendu dans les îles subantarctiques de Kerguelen. Ouais. Donc c'est l'endroit le plus isolé sur la planète. Et on a fait la pêche aux moules, entre guillemets, jusqu'à l'analyse de l'ADN, tout ça sur le terrain. Et ça, c'est grâce à un petit séquenceur de poche qui s'appelle le Mignon. Donc, au fond, une fois qu'on a extrait notre ADN sur le terrain, on a jeté notre jus de moule extrait dans ce petit appareil. Et on avait en live, nos séquences qui sortaient. Donc, vous pouvez dire quelle espèce il y avait dans nos moules sur le terrain. Et c'est ça, dans une petite cabane sans Internet et avec très peu d'électricité et peu de chauffage. Là, je suis impressionnée. Là, je ne pensais pas qu'il y avait des petits séquenceurs portatifs qui pouvaient fonctionner presque sans rien. Là. Oui, c'est ça. Le but, c'est d'optimiser la méthode pour qu'après, que ce soit en Arctique, en Antarctique ou dans la savane, on puisse tout faire sur le terrain. Ouais, parce qu'en plus, ça évite aussi que l'échantillon il se dégrade le temps qu'on arrive au labo, qu'il subisse des modifications, puis qu'après, ce qu'on détecte au labo, ce ne soit pas exactement fidèle de ce qu'il y a sur place. Peut-être que là, avec la même technologie, si on peut le faire pareil, ça va être comparable d'un site à l'autre. Exactement. Donc, le but, c'est de tout faire sur le terrain. Il y a encore l'optimisation à faire, mais écoute, avec mon équipe de recherche, on était vraiment contents. Ça a fonctionné. Donc là, ça s'est fait dans le Saint-Laurent, aux îles Kerguelen, donc complètement dans l'hémisphère sud, là, au sud-sud, et en Arctique également. Oui, en Arctique, au fond, on travaille étroitement avec l'équipe de Philippe Archambault qui vont chercher des échantillons pour nous dans certaines communautés inuites. Puis ce qu'ils font en même temps, étant donné que la méthode est hyper simple et qu'il faut juste une formation de 15 à 30 minutes pour devenir un expert dans la méthode, ils font ce qu'on appelle de la recherche participative. Donc, ils sensibilisent les jeunes autochtones au projet et leur donner le goût à la science également. D'accord. Et là, finalement, est-ce que tu as analysé certains de tous ces ADN? Est-ce que tu as pu identifier un peu à quoi ressemble la biodiversité autour des moules? Oui, effectivement. Donc, on a fait nos premiers essais dans l'estuaire du Saint-Laurent avec l'équipe du Parc Marin. Et on a pu retrouver dans nos moules de l'ADN qui provenait de plusieurs espèces d'algues brunes, des algues vertes, des algues rouges. On a aussi retrouvé de l'ADN qui provenait des crustacés, des insectes, ou des coraux qui sont caractéristiques de l'estuaire du Saint-Laurent. Puis en plus de ça, on était vraiment hyper excités parce qu'on trouvait des virus qui étaient propres aux organismes retrouvés. Donc par exemple, je retrouvais de l'ADN d'une algue brune. Je retrouvais vraiment son virus qui était propre à cette algue. Mmh. Et de manière aussi intéressante, c'est que dans les sites qu'on a analysés, il y avait un site qui était près des eaux usées. Et ce site avait beaucoup d'ADN de parasites. Et je dis bien ADN de parasites parce qu'on ne trouvait pas le parasite vivant dans la moule. Donc, il n'y a pas à s'énerver non plus. Ah oui, effectivement. En fait, c'est une bonne question parce que est-ce que ça pourrait se faire aussi sur les moules qu'on mange pour connaître un petit peu ce qu'il y a autour des... Parce que là, c'est sur des moules qu'on ne mange pas forcément. Oui, donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser la moule pour analyser au fond son milieu. Pour un, la biodiversité, mais aussi dans un enjeu de santé publique. Parce qu'on peut penser en Arctique où il y a très peu d'études justement qui étudient les virus, parasites ou bactéries qui peuvent être potentiellement pathogènes à l'homme. Et ça peut être un problème justement parce qu'il faut déterminer, ok, est-ce que les moules qu'on mange là-bas sont-elles saines pour les gens qui les consomment ou pas? Et est-ce que la biodiversité, est-ce qu'on peut faire aussi un lien entre la biodiversité donc qu'on détecte à partir de l'ADN et la biodiversité qu'on observe de visu? Comment les deux méthodes se complètent? C'est une très bonne question parce que ça revient à rejoindre un peu les défis que se posent les gens qui travaillent sur l'ADN environnemental. C'est-à-dire que l'ADN, il y a plusieurs facteurs qui vont l'influencer dans son devenir, entre guillemets. Donc, parmi les facteurs, on peut penser au pH, à la température, qui vont dégrader l'ADN dans l'eau, et aussi d'où est-ce qu'il vient. Et je parle de ça parce que dans nos moules, on a déjà retrouvé de l'ADN de plantes terrestres. Donc là, les gens vont se dire, ouais, mais il n'y a pas de plantes terrestres dans ta moulière. Non, mais cet ADN de plantes pouvait provenir justement de plus loin et que cet ADN était au fond lessivé par l'eau des pluies et qui s'est retrouvé éventuellement dans ma moulière et qui a été filtré par mes moules. Ah, c'est impressionnant parce qu'on pourrait penser que c'est quand même assez dilué, qu'il n'y aurait pas beaucoup de cet ADN de feuilles terrestres et puis qui arrive comme ça dans le milieu marin filtré par les moules. C'est quand même, ça veut dire que l'outil est vraiment puissant. Oui, et d'où justement l'intérêt de faire des analyses quand même régulièrement, parce qu'il y a quand même le côté ponctuel qu'on oublie, c'est-à-dire que quand je vais chercher l'ADN dans mes moules, l'idéal, ce serait de le faire une à deux fois par année, une fois par semaine ou une fois ou deux semaines ou par mois, parce que je ne sais pas, moi, si quand j'ai été chercher l'ADN dans mes moules, est-ce qu'il y avait une baleine échouée à côté? Est-ce qu'il y avait un poisson mort? Est-ce que c'était juste après une tempête où les sols ont été lessivés? Donc, il y a plein de facteurs à prendre en considération. Ah oui, c'est ça. C'est pas forcément représentatif à ce moment-là de la biodiversité qu'il y a en général. S'il y a une baleine échouée, on risque de retrouver beaucoup d'ADN de baleine et nous faire penser qu'il y a plein de baleines qui passent dans les parages alors que c'était un événement. Exact. Et ça, c'est le gros défi aussi de ceux qui travaillent sur l'ADN environnemental, c'est que on ne peut pas vraiment le quantifier. C'est une analyse qualitative et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, est-ce que l'organisme est là ou il n'est pas là? Présence-absence. Mmh, ouais. Et à quoi vont ressembler tes recherches dans l'année qui vient? Donc, pour 2023, l'idée à long terme est vraiment de prédire l'impact des changements climatiques sur les milieux marins en utilisant la moule. Puis c'est justement la force de l'approche. C'est-à-dire que au fond, grâce à la biopsie liquide, on peut aller justement chercher l'expression des gènes chez la moule et les changements épigénétiques causés par différents stress environnementaux. Donc, par exemple, si mes moules sont à côté des eaux usées ou qui subissent des grandes vagues de chaleur, ça aura un impact sur leur ADN et l'expression des gènes, etc. Donc, nous, ça nous permet d'intervenir plus rapidement dans un milieu en lien justement avec les changements climatiques. Donc, on utilise vraiment la moule pour évaluer l'état de santé des milieux. Une moule à la fois, bien sûr. Une moule à la fois. Et dis-moi, Sophia, est-ce que tu manges des moules, sinon? Malheureusement, j'ai une diète plutôt végétarienne, mais tant que vous les cuisez très bien, il n'y a aucun... Je ne crois pas qu'il y aura de problème. Je me demandais si, à force de voir des moules et des moules et des moules, on avait encore envie d'en manger. Bah, mes collègues me disent que c'est très bon, donc surtout accompagné de frites ou dans une paella. Ouais, exactement. Bon, alors écoute, Sophia, merci beaucoup de nous avoir présenté une facette des moules qu'on ne connaissait pas vraiment, même pas du tout. Et puis, on te souhaite une bonne continuation pour ta recherche. Merci beaucoup, Valérie. Et je rappelle que Sophia Ferchiou est doctorante à étudiante à l'Institut national de la recherche scientifique et associée à l'Institut nordique du Québec.